et si n'en dormons pas pour cela, moi assuré. » Au commencement, il nous fuyait et craignait. Or, il nous désire. À notre première visite et descente de Saint-Sauveur, nous fîmes semblant que la place ne nous agréait pas et que voulions aller autre part. Ces bonnes gens du lieu en pleuraient et lamentaient. Au contraire, le sagamo de Cadesquit, appelé Bethsabée, s'en vint pour nous y attirer avec 1000 promesses, ayant tué que nous prétendions de nous y aller loger. Est-ce peu que d'avoir ce si bon fondement de justice en nos peuplades, et ce tant assuré gage de bon succès? Il ne faut-il point estimer que les autres nations aient porté cette amitié aussi bien que nous, car nous sommes témoins oculaires, comme les 10 sauvages, ayant rencontré un avantage, à leur avis, contre les Anglais, se ruèrent sur eux furieusement, pensant, comme je crois, tirer quelque revanche de l'injure qui nous y avait été faite. Mais le bonheur ne les seconda pas à leur attaque. Pareillement, sur la fin de l'an 1611, les Hollandais voulant seulement descendre au cap de la Hève pour y faire Egad, nos sauvages les assaillirent brusquement et en défirent 6, entre lesquels était le capitaine du navire. Il me semble que nous serions indignes de cette bienveillance si nous ne faisons que leur profit à aimer celui de qui nous recevons tous nos biens. Outre plus, quoique les jésuites n'ayant pas baptisé communément les adultes, pour les raisons ci-devant désuites, si les ont-ils catéchisés tant qu'ils ont pu, et par les yeux et par les oreilles. Par les yeux, dis-je, leur faisant voir nos us et cérémonies, et les y accoutumant. En nos processions, nous faisions aller les petits-enfants au devant de la croix, et faire quelques services, comme de porter les luminaires ou autre chose. Et tantôt que leur père y prenait du plaisir, comme s'ils eussent été vraiment chrétiens. Dieu merci, cela est déjà communément gagné, qu'ils ne veulent point mourir sans baptême, se croyant être misérables à jamais s'ils trépassent sans celui, ou, du moins, sans une forte volonté d'y celui, et sans douleur de leur péché. Le patriarche Flèche, comme a été dit, en avait baptisé peut-être 80, les jésuites seulement une 20aine, et ceux, petits-enfants, hormis 3 qui ont été baptisés en extrême nécessité de maladie et sont allés jouir de la vie bienheureuse après avoir été régénérés à Issel, comme aussi aucun des petits-enfants. Nous avions composé notre catéchisme en sauvageois et commencions aucunement à pouvoir jargonner avec nos catéchumènes. Nous dressions une nouvelle peuplade fort commode. C'était notre automne, notre temps des fruits. Et voilà que sur ce point, l'envieux de tout bien, et spécialement du salut humain, est venu de malice mettre le feu à nos travaux et nous emporter hors du temps. Le victorieux Jésus, de sa puissante main et invincible sapience, le confonde. Ainsi soit-il. Chapitre 35. Aucune merveille que Dieu a opérée en la guérison des sauvages. Mais comme Dieu appelle cette nation le sauvage, par sa miséricorde et douceur, convenablement, à leur portée et nécessité, ainsi lui a-t-il plu se montrer à eux bénin et secourable. Je vous remarquerai ici 3 de ces marques bien évidentes et certaines faites en la guérison des maladies corporelles. La première soit celle-ci. Le père Biard, étant allé à la rivière de Desplans, ainsi qu'a été dit ci-dessus, on lui dit qu'à 2 lieues de là, en l'abbaye Sainte-Marie, il y avait une femme proche de la mort, laquelle désirait fort le voir lui parler. Le père pria un certain Lapierre de l'y conduire, ce qu'il fit. Ils trouvèrent cette femme, suivant la coutume de leur malade, étendue au long du feu et travaillée de mal depuis 3 semaines. Le père la catéchise du mieux qu'il peut et l'encourage, faisant quelques prières, puis s'en revient, lui laissant une croix pendue au col, parce qu'il ne l'estima point être si bas qu'il l'a fallu la baptiser. Seulement, il avertit les assistants que si elle continuait en maladie 3 ou 4 jours, ou qu'elle empira, qu'on le vint appeler. Il n'en fut pas de besoin, car, le jour suivant, la dite femme se leva saine et gaillarde, et s'en alla trouver son mari, chargé d'un pesant sac et sa croix au col, jusqu'à 4 lieues de là. Celui qui, de premier, la vit, fut un huguenot de Dieppe, appelé Jean Bachelor, qui en vint porter les nouvelles au sudit jésuite. La seconde fut à Pentagouette. Le père Billard y étant à la compagnie du sieur de Biencourt et, selon sa coutume, visitant les malades du lieu et récitant sur eux les saints évangiles, on lui en montra un duquel on n'attendait plus vie, malade depuis 3 mois. Il était pour lors en un fort accès, ne parlant qu'à grande peine et suant d'une sueur froide, présage de la mort. Le jésuite le fit baiser par plusieurs fois une croix qu'il lui attacha au col, lui annonçant le mieux qu'il pouvait les bonnes nouvelles du salut acquis en Isselle. Il y avait bonne compagnie de sauvages qui écoutaient et, à leur contenance, montraient grand contentement à ce qui se disait. Le père les laissa ainsi bien affectionnés et s'en revint à la barque. Or, ce que Dieu fit en son absence apparaît de ce que nous vîmes un jour après. Car le sieur de Biencourt, faisant la troque en sa barque, ce sauvage y vint avec les autres, saint et gaillard, portant sa croix en parade, et fit reconnaissance au père Billard devant tous autres avec grande joie. La tierce est bien signalée, et partant, je la déduirai au long. Comme nous avons raconté ci-devant, le sieur de la Motte, Simon l'interprète, et le père Billard étaient allés visiter le lieu de Saint-Sauveur pour reconnaître s'il serait bon pour leur demeure. Or, revenant de cette visite et retournant aux cabanes des sauvages, ils ouïrent de bien loin, 2 ou 3 fois, un grand et lamentable hurlement. Et demandant au sauvage qui les conduisait qu'est-ce que cela pourrait être, le sauvage leur répondit que quelqu'un était mort et que c'en étaient les plaintes qui fut cause que nous ne nous en mîmes point en émoi. Or, comme nous étions déjà fort à la portée de la voix, voici que ce mugissement s'entend de nouveau. Et de fortune, un jeune garçon sauvage, se rencontrant sur le chemin, la curiosité poussa le père Billard à lui demander qui était ce mort que l'on lamentait. Le garçon répondit que ce n'était pas un mort, mais un mourant, et ajouta de soi-même « Cours vite, à l'aventure, le pourras-tu baptiser avant qu'il meure tout à fait ?» Lors, comme si Dieu l'eût dit de sa bouche, nous nous mîmes à courir de tout notre possible. Arrivés, nous trouvâmes tous les sauvages hors de leur cabane, rangés en haies comme des soldats en une porte de ville. Au milieu se promenait un misérable père, tenant son enfant qui se mourait entre ses bras. Or, quand l'enfant venait à jeter des sanglots, croyant qu'il voulait rendre l'âme, le père se prenait à hurler pitoyablement et toute la compagnie le suivait de même ton. Car telle est leur coutume. Donc, le père Billard, voyant ce spectacle, s'adressa au déconforté père et lui demanda s'il lui plairait bien qu'il baptisât son fils. Le bonhomme, qui était presque hors de soi, ne lui répondit non de parole, mais, en effet, il lui mit son enfant entre les bras. Le père cria que tôt l'on apportât de l'eau, se confit, et remettant l'enfant entre les mains du sieur de la Motte, qui, de grands ailes, désirait d'en être parrain, le baptisa, l'appelant Nicolas, du nom du dit sieur. Les sauvages, attendant quelque grand effet, se pressèrent pour voir ce qu'en adviendrait. Or, le père Billard, après avoir récité quelques oraisons à ce qu'il plut à Dieu d'illuminer ces pauvres païens, prit le baptisé des mains du sieur de la Motte et le donna à sa mère qui était là, qui, comme mère, présenta incontinent le tétin à son fils, lequel têta de bon appétit. Quand les sauvages virent ainsi cet enfant pendu aux mamelles de sa mère, si la terre eût fondu de sous leurs pieds, je ne sais s'ils eussent été plus étonnés. Ils demeuraient là, fixes et immobiles, sans sonner mot, comme des angelés. Le père leur dit quelques paroles d'édification, puis leur signifia de se retirer en leur cabane. Et savez-vous s'il fut obéi? Ces bonnes gens le regardaient lors comme s'il eût été plus qu'homme, tremblant devant lui, avec démonstration d'être grandement touché de Dieu. Cet enfant était encore sain et dispos, 1 mois après sa tienne guérison, peu avant notre prise par les Anglais. Car sa mère la porta à nos tantes et fut vue de la plupart de nos gens. Voilà comme Dieu ne laisse point sa loi sans authentique témoignage, ni sa bonté sans admirables effets. Chapitre 36. Les raisons des Français par lesquelles ils s'approprient à bon droit les terres de la Nouvelle-France, contre la prétention des Anglais. Maintenant que j'ai satisfait aux deux premières parties de ma promesse, savoir est que j'ai fait ma relation du naturel des terres et des habitants de la Nouvelle-France, et vous ai raconté les comportements des jésuites et les accidents qui leur y sont survenus, reste la tierce d'exposer en quoi consiste la dispute qui est or survenue entre les Français et Anglais, touchant ces contrées, et les raisons de l'un et l'autre parti. Car le curieux lecteur, à mon avis, sera bien aise d'entendre en quoi gît ce point contentieux et les raisons qu'on apporte de part et d'autre. Même que cela appartient à l'honneur des Français de faire connaître à toute nation, à combien juste titre, pertinente raison et sincère conscience, nos rois se sont fait maîtres et ont possédé ces terres jusqu'à ce temps. Il faut donc savoir, tout premièrement, que les Anglais ne nous disputent point toute la Nouvelle-France, car ils n'osent nous donner ce que tout le monde nous accorde, insolemment, ils contestent des confins. Ils nous accordent donc une Nouvelle-France, mais limitée par les bords du Golfe et la grande rivière de Saint-Laurent, ils nous restreignent dans les 47, 48 et 49e degrés d'élévation polaire. Du moins, ils ne nous permettent point de descendre plus bas vers le midi que du 46e degré, s'attribuant tout ce qui est, dès la Floride et le 33e degré jusqu'à Canseau et les îles du Cap-Breton. Les fondements de leurs prétentions sont parce que, environ l'an 1594, il y a 22 ans, étant entré dans ce grand sein de la mer américaine, que les anciens appelaient Moscosa, et ayant trouvé une rivière et pays qui leur agréa, ils commencèrent à la vouloir habiter, lui imposant le nom de Virginie. Mais ayant été contrariés par les naturels et autres accidents qui leur étaient arrivés, ils furent enfin contraints de la quitter entièrement, n'y ayant pas demeuré plus de 2 ou 3 ans. Néanmoins, depuis le sérénissime roi Jacques, à présent régnant, venu à la couronne, ils ont pris résolution de le reconquester et cultiver. À quoi, le dit roi favorisant, a baillé de grands privilèges à ceux qui entreprenaient cette peuplade et, entre autres, a étendu le droit de leur tenue dès le 33e degré d'élévation jusqu'au 45e, leur donnant puissance de courir sus à tous étrangers qu'ils trouveraient dans ce district de terre et 50 000 avant dedans la mer. Ces lettres du roi ont été expédiées l'an 4e de son règne et de grâce, 1607, le 10 avril, il y a 7 ans. Car j'ai décrit ceci l'an 1614. Voilà ce que j'en ai pu apprendre de toutes les pancartes et enseignements que nos contendants apportent pour se maintenir en droit et cause et nous confiner dans le détroit de la vieille Canada, eux se tenant au large et à franche coudée, nous faisant la part à leur bon plaisir. Voici ce que nous leur répartissons légalement. 1. En premier lieu, que par une providence admirable de Dieu, leurs propres lettres royaux sur lesquelles ils se fondent les dédisent de leurs prétentions, parce qu'il est dit expressément dans Icel, avec exception spécifique, « Nous leur donnons toutes les terres jusqu'au 45e degré, lesquelles ne sont point actuellement possédées par aucun prince chrétien. Or, est-il que lors de la date de ces lettres, le roi de France, actuellement et réellement, possédait pour le moins jusqu'au 39e degré des dites terres. Tout le monde le sait par les voyages de Champlain, car il compte par ceux que, l'an 1607, le sieur de Mont était à Port-Royal et, par ses gens et autorités, gouvernait jusqu'au 39e degré comme lieutenant de Sa Majesté très chrétienne. 2. En après, si les Anglais veulent dire qu'ils n'ont pas possédé leur Virginie dès l'an seulement 1607, ainsi dès l'an 1594 qu'ils la trouvèrent, comme nous avons dit, nous répondons que la rivière, laquelle ils commencèrent lors à posséder, est au 36e degré, et que cette leur allégation à l'aventure pourrait valoir, s'il n'était question que de retenir cette dite rivière, et 7 ou 8 lieues de l'un ou l'autre côté d'Icel, car autant loin se peut porter notre vue pour l'ordinaire. Mais que, subitement, un vaisseau, pour entrer dans un fleuve, enjambe, par domination, 30 fois plus loin qu'il ne peut étendre sa vue, c'est vouloir avoir les bras, ou plutôt, la convoitise bien monstrueuse. Mais, posons que cela se puisse faire. Il s'ensuivra donc que Ribaud et Laudonnière, étant allés à la Floride en très bel arroi, par autorité du roi Charles IX, L'an 1564, 1565 et 1566, pour cultiver le pays, et y ayant édifié la Caroline au 31e degré d'élévation, il prit possession jusqu'au 38e et 39e degré et, par ainsi, voilà les Anglais hors de leur Virginie, suivant leur propre maxime. 3. Quoique, si pour être en un lieu, l'on possède aussitôt, selon la présupposition des Anglais, 8 ou 9 degrés plus avant, pourquoi est-ce qu'eux, étant au 36e, avanceraient plutôt jusqu'au 45e, que nous, comme ils confessent, étant déjà au 46e, ne descendrions jusqu'au 37e? Quel droit y ont-ils plus que nous? Voilà donc ce que nous répondons aux Anglais. 4. Mais pour mieux déclarer le fond de notre justice, il faut se ressouvenir de ce que nous avons montré ci-devant, savoir que Sa Majesté très chrétienne a pris possession de ses terres avant tout autre prince chrétien, par droit d'invention première. Car il est assuré et confessé de tous que les Bretons et Normands trouvèrent premièrement le Grand Banc et les Terres-Neuves, rangeant la côte jusqu'au Cap de Sable, qui est au 43e degré, jusqu'où le Grand Banc s'étend. Cette invention fut faite l'an 1504, il y a déjà 110 ans. 5. Davantage, tous confessent que, par le commandement du grand roi français, Jean Vérazin prit possession de ces dites terres au nom de la France, commençant dès le 33e degré d'élévation jusqu'au 47e. Ce fut par deux voyages, desquels le dernier fut fait l'an 1523, il y a 90 ans. 6. Outre plus, Jean Cartier entra premièrement dans la Grande Rivière par deux voyages qu'il y fit et découvrit les terres du Canada. Son dernier voyage fut l'an 1534. Donc, c'est merveille que les Anglais nous accordent les terres de la découverture de Jacques Cartier, nous voulant ôter le 47e degré. Car il est assuré que cette découverture est de beaucoup postérieure aux autres ci-devant dites des parties plus méridionales. Et la Grande Rivière est tellement située que la possession de ces terres est presque inutile à qui ne tient du moins jusqu'au 40e degré. Qu'on regarde la carte. 7. Aussi est-ce merveille comme les 10 Anglais disent nous accorder les Terres-Neuves, et cependant, ils y sont allés habiter depuis 4 ans, environ le 48e ou le 49e degré. 8. Or, est-ce le commun consentement de toute l'Europe que de dépeindre la Nouvelle-France, l'étendant au moins jusqu'au 38e ou 39e degré, ainsi qu'il apparaît par les maps-mondes imprimés en Espagne, Italie, Hollande, Allemagne et Angleterre même. Ce sont aussi les Français qui en ont fait description, ont imposé les noms, ont apprivoisé les sauvages, ont troqué et toujours conversé avec eux dès la première invention jusqu'à ce temps et non point autre. Et ce fut au 43e degré que le marquis de La Roche s'alla loger, dressant sa peuplade l'an 1598. Et depuis, l'an 1603, le sieur de Mont reçut en don toutes ses terres, dès le 40e degré jusqu'au 46e, de feu d'heureuse mémoire Henri le Grand, lequel aussi déclara par lettres expresses que rien de ce qu'on apportait de là, ou qu'on y emportait, ne devait être foraine, comme étant ce pays une partie juste et légitime accrue à ce royaume et nullement étrangère. 9. Et certes, outre les raisons apportées, l'équité naturelle favorise cette déclaration. Parce que ces terres-là sont parallèles à notre France et non point à l'Angleterre. Elles sont, dis-je, tout d'une tenue avec nous. De manière qu'étant été trouvées vacantes par nous au-delà de notre arrivage, elles accroissent à notre héritage, ainsi que la loi des alluvions détermine. 10. En effet, feu Monsieur le comte de Soissons fut pourvu du gouvernement des dites contrées et en a porté le titre de son vivant. Et aujourd'hui, Monsieur le prince met celle-là au rang de ses autres prérogatives et principaux honneurs. Chapitre 37. Raisons pour lesquelles on devrait entreprendre à bon escient le cultivage de la Nouvelle-France. Ici, devant que finir, je suis contraint de coter aucune raison qui m'émeuve l'âme quand je considère comme nous délaissons cette pauvre Nouvelle-France en friche, en barbarie, en paganisme. Je s'éprouve que je profite bien plus de les alléguer aux oreilles de notre Seigneur par fervente prière que de les marquer aux yeux des hommes par écriture morte. Néanmoins, tant plus ardemment je m'écris devant Dieu en les pesant, tant plus je me sens pressé à les spécifier aux hommes en les écrivant. Et premièrement, si l'on considère le temporel, c'est une autre France en influence et conditions du ciel et des éléments, en étendue de pays 10 ou 12 fois plus grande, si nous voulons. En qualité aussi bonne, si elle est cultivée du moins, il n'y a point d'apparence qu'elle doive être pire. En situation, à l'autre bord de notre rivage, pour nous donner la science et la seigneurie de la mer et navigage, je dis 1000 biens et utilités. En un mot, quand je dis une autre France et une autre Espagne à cultiver. 2. En après, les tentatives que nous avons déjà faites tant de fois, des 100 et 10 ans, nous obligent à constance si nous ne voulons, avec la moquerie des étrangers, perdre encore le fruit de tant de temps consommé et des pertes de temps et d'hommes qu'il a convenu faire pour acquérir la connaissance de ces terres, côtes, golfs et divers endroits, laquelle, Dieu merci, nous avons acquise avec la bienveillance et familiarité du peuple. Peuple débonnaire, qui nous tend les mains avec un désir incroyable et une douleur bien grande de nous y voir matinés. Non pour autre raison, sinon que les entreprises qui ont été faites jusqu'à maintenant, ayant été quasi soutenues par des particuliers, il n'est pas de merveille s'ils ont succombé aux faits et aux frais qu'une telle œuvre requiert. 3. Que si nous nous lassons ou languissons, nous avons devant les yeux pour d'autres qui nous ont montré d'avoir courage. Et certes, en cas que nous y faisons notre devoir, il n'y a point de raison d'empêcher autrui. Considérons donc si cela nous est fort avantageux de perdre le profit que rapportent de ces contrées, tous les ans, plus de 500 de nos navires qui y vont, soit à la pêche des baleines, soit à celle des moulus et autres poissons, soit à la traite de la pelleterie des castors, élans, martres, loups marins, loutres, etc. Car il ne faut pas attendre d'y avoir part si d'autres saisissent le domaine, ainsi qu'a bien déclaré ces années la dispute arrivée à Spitzbergen et autre part. 4. Voilà pour le temporel. Mais pour le spirituel, auquel l'indicible grâce de Dieu nous surchausse jusqu'au surnom et gloire de très chrétiens, calculons et supputons les bénéfices qui nous accompagnent et obligent incessamment, ensuite de ce premier, la vocation à l'Église sainte et connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Et lors, nous pourrons sommer combien horrible châtiment elle porterait en croupe si nous ne tâchions de faire priser cette grâce, la communiquant à nos proches, à la proportion de nos moyens et redevances. Tel châtiment a été sagement remarqué par le vénérable Bède. Car, quelque peu avant son âge, les Écossais furent illustrés de divine lumière à ce qu'ils se reconnussent être tombés en hérésie, par illusion et mégarde, là où les Bretons, ou ceux de la province de Galles, furent précipités dans l'abîme et ténèbres des faubourgs d'enfer, les hérésies. Desquels deux effets si contraires et si opposés, ce grand saint et connaissant véritable des œuvres de la Providence et divine justice éternelle en rapporte les causes à deux dispositions diverses de l'un et l'autre peuple. Parce, dit-il, que les Écossais avaient aumônié aux Anglais, auparavant, par grande charité et dévotion, ce qu'ils avaient reçu de la vérité évangélique et, partant, Dieu leur voulut faire miséricorde à mesure comble et entassée, leur ouvrant les yeux pour y se voir déçus et trompés. Là où les Bretons, soit par négligence, soit par autre intempérie d'âme, ne s'étaient guère souciés de voir les 10 Anglais périr misérablement à leur infidélité, et partant, méritèrent comme serviteurs ingrats de perdre le talent de la foi catholique, lequel ils n'avaient daigné mettre à profit, et d'autrui et d'eux-mêmes. Oh, que de choses nous aurions à penser et dire sur ce sujet! Mais soit assez d'avoir au-devant de nos yeux que ces pauvres peuples, ces images de notre Dieu comme nous, et capables de sa jouissance, ces consorts de notre espèce et presque de même qualité avec nous, sont sur le bord de l'horrible gouffre des feux infernaux, voire plusieurs centaines d'isseux, précipités chaque jour dans les peines éternelles et abîmes de damnation, sans espoir de délivrance. Ô Dieu, nous nous étonnons de ces jugements épouvantables, comme il y a bien de quoi s'étonner. Mais nous n'avons pas le sens pour apercevoir, ni l'entendement pour reconnaître que le sang de cette si cruelle exécution est dessus nos mains, qui ne nous évertuons pas de l'empêcher, dessus nos pieds, qui ne nous remuons point pour y remédier. Dessus nos maisons, qui les bâtissons tant superbement, sans nous soucier de l'éternelle demeure de nos frères. Dessus nos bourses, nos possessions, nos moyens et notre cœur, qui sommes si peu émus de tels spectacles, et contribuons si peu là où le Fils de Dieu, notre Sauveur, n'a point épargné sa vie. Plaise, lui, nous faire miséricorde, et recevoir de nous et de toute créature, louange et bénédiction à tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.